Vous écoutez Paris sur la bouche, le podcast des petites ou grandes histoires liées à un baiser donné dans les rues parisiennes. Eh bien, en fait, j'étais dingue de ce mec, mais complètement dingue. Tout le monde nous avait dit qu'on n'avait absolument rien à foutre ensemble, ce qui était vrai, puisqu'on s'est mariés et qu'on a divorcé. Mais j'étais dingue de lui, complètement dingue. Et ce lieu, ici, là, c'est exactement lui. Parce que on est dans ce cinquième si magnifique, tu vois, qui, avant, était le Paris estudiantin. Et qui, en même temps, est le quartier du Panthéon. Mmh. Et qui, en même temps, est le quartier si riche où on trouve ces bâtiments art déco et en même temps ces petites rues si étroites comme dans le Paris historique. Ouais. Et c'est tout à fait lui, c'est-à-dire toute son enfance, de là où il venait, ce côté historique, ce côté art, ce côté culture, en fait. C'est vraiment ça qui était lui. Et il était comme ça, tu vois, c'est-à-dire comme ces petites rues étroites, un peu esquichées sur les bords, tout en retenue, bien élevée. Et du coup, moi, j'étais l'estudiantine, tu vois. J'avais envie de faire péter ses résistances. Mmh. Et à cette époque, évidemment, c'était ça qui l'amusait. J'étais vraiment pour lui le truc inattendu. J'étais vraiment pour lui tout ce qu'il ne connaissait pas. J'étais vraiment pour lui tout ce qui était original. À chaque fois, j'avais pour lui une réaction qu'il n'avait jamais prévue, forcément, puisque je venais d'une autre culture, d'une autre région, carrément d'une autre France, on pourrait dire. Ouais. Et du coup, c'est vrai que cet endroit, ça incarnait vraiment notre mélange, je trouve. Et c'est pour ça que je m'en souviens vraiment avec émotion, parce que c'était ce côté si chic d'un côté et si propre sur lui qu'il était, et le côté si fantasque, mm-hmm. que moi j'étais pour lui au moins. Hein, parce que moi j'ai jamais trouvé que j'étais fantasque puisque je suis comme ça. Ouais. Donc ça me semble normal. Mes enfants me disent toujours que je suis la côté bizarre, tu vois, le côté un peu artiste. Mais moi, je vis avec moi, donc évidemment, je ne m'en rends pas super compte. Et j'ai gardé l'habitude de venir ici au moins une ou deux fois par an, soit toute seule, soit en se promenant, soit pour la fête de la musique. Parce que c'est un endroit qui est toujours vivant. D'ailleurs, on le voit, il y a toujours du passage. Mais la nuit aussi. Ouais. C'est un endroit qui s'arrête presque jamais. Presque jamais. Et sur cette jolie place, la nuit, c'est magique. D'abord, c'est calme très peu de temps. Mm-hmm. Parce que c'est ouvert très tard. Ouais. Et justement, il revient ce public estudiantin qui a créé ce lieu. Mm-hmm. Et qui en a fait toute la vie. Et donc, pour la grande amoureuse que j'étais à l'époque, c'était vraiment quelque chose d'absolument magique. D'abord parce que... vraiment beaucoup de bruit, hein. Mais il a décidé de se garer au pire endroit en plus. Donc, bon, c'est pas grave. On va l'entendre. Hein. En fait, ce que je crois, en fait, c'est typique, hein, tu vois. Ça bouge tout le temps. Il y a des gens qui passent, il y a des cafés, il y a des glaces, il y a des caricaturistes qui viennent, il y a même des masseurs qui viennent, tu sais, sur cette place-là et qui proposent des animations. L'été, c'est encore plus vivant que l'hiver, bien sûr, mais ça s'arrête pratiquement jamais. En même temps, c'est un lieu de culture. Ouais. Ça, c'est vraiment intrinsèque au lieu. C'est-à-dire que tu as des éditeurs qui sont aux alentours. T'as aussi un côté un peu melting pot qui est dans le coin, qui n'est pas tout à fait ce qui lui l'attirait, mais ce qui moi m'attirait, qui en fait un lieu mélangé, on va dire. C'est l'ancien, c'est le nouveau, c'est le demain, c'est un peu tout au même endroit, en fait. Et ce qui est aussi magique, c'est que donc la nuit, tout est un peu éclairé. Ouais. Et sur cette place, petit à petit, entre l'inverse du chien et loup. Ouais. C'est-à-dire à 7 heures où c'est encore la nuit, mais où ça va bientôt être le jour, ouais. Là, enfin, la place se calme. Ouais. Il ne reste plus que les cafés ferment, très tard, mais ils ferment. Mm-hmm. Les gens sont chez eux et tu as ce moment délicat où ne reste que un ou deux promeneurs solitaires, hein, ouais. qui regardent pas les autres parce que chacun se promène pour être en lui. Ouais. Donc tu as, alors même que peut-être il y a un peu de monde, tu as toujours cette intimité, bizarrement, au milieu des autres, parce que ça commence à être ce léger interlude de 2h, 3h, mm-hmm. pas du matin, mais de 2h, 3h entre la nuit et le jour, où en fait cette place se vide d'un seul coup, elle reprend son calme. Et comme elle est toujours un peu éclairée, c'est, tu vois, c'est le moment où les lumières de Paris valent bien une voûte céleste éclairée, tu vois. Ouais. Ouais. C'est, beau, c'est vraiment voilà, c'est vraiment ce moment-là. Et ça garde, tu vois, les cafés changent, ils changent de genre, ils mettent de la bière ou du vin, ou voilà. Mais tu as toujours ce fameux café Delma, tu vois, ouais. qui est le café d'anthologie, qui est là depuis super longtemps, qui ressemble à un café de Paris, un vrai. Tu vois, avec sa couleur un peu rouge, un peu noire, ses tables foncées, le café parisien, quoi, ouais. en fait. Et ce qui donne ce cachet historique à cette place qui est plein d'historique, tu vois. Juste à côté, il y a la rue de l'Estrapade. C'est drôle comme mot, tu vois, le mot de l'Estrapade. Mais en fait, c'est une torture, si je me souviens bien. Ah, je ne sais pas du tout, mais je normalement, je crois que c'est une torture où on peut venir quelqu'un... On l'attache par les pieds et on le suspend, quoi, ouais, en fait. Ok, d'accord. Ok, ouais, donc d'accord. Mais ça, c'est parce que justement, comme c'était un lieu estudiantin, mm-hmm. c'était un lieu où il y avait des bêtises qui étaient faites, ouais. hein, et où forcément il y avait des punitions moyenâgeuses, puisque tu vois, la structure, on ne peut pas dire qu'elle est complètement moyenâgeuse, mais les rues sont étroites comme un peu à l'époque. Mm-hmm. En fait, j'arrête pas de dire en fait, c'est très mauvais. Oh, t'inquiète pas, on a tous des tics de langage, moi j'en ai plein aussi. Hein, donc, Et c'est pas le plus vieux coin de Paris, mais c'est un coin extrêmement attachant, ouais. de ce point de vue-là. Et donc, du coup, arriver ici avec lui, être ici encore au milieu de la nuit, mm-hmm. parce qu'on peut s'y balader très très longtemps, on n'est pas obligé de consommer, c'est suffisamment vivant, ouais. voir un petit peu à la fois les gens s'en aller, mm-hmm. Et pendant que la rue se calme, bah, nous on se chauffait, ouais. normal. Et tout mon envie de l'époque était, tu vois, de le faire sortir de ses gonds, en fait. Mm-hmm. Pour quelqu'un d'aussi calme, posé, propre sur lui, le fait de le faire devenir fou, c'était extrêmement irrésistible. Je sais pas si moi je l'étais, mais en tout cas, moi, je trouvais ça irrésistible. Ouais. Et tu vois, c'est le moment où, tu vois, on se regarde, on s'asticote, on dit des phrases sans intérêt, mais qui sont forcément un peu à double sens. Et toi, tu penses quoi? Et toi, tu vois quoi? Et un petit peu à la fois, tu sens la tension monter chez l'autre, mm-hmm. et tu as l'impression de le... pas de le tenir, tu vois, mais... ou alors de le tenir comme on tient un cheval, tu sais, un peu nerveux, un peu rétif, mm-hmm. et tu dis, je lâche la bride, il va lâcher la bride, il va pas lâcher la bride, encore, mm-hmm. maintenant, demain. Et ça, c'est vraiment... C'est vraiment très sympa, ouais. hein, parce que quand l'autre vit, on se sent vivante, mm-hmm. à travers son regard, on se ressent à nouveau plus vivante, on ose encore plus. Bon, il ne s'agit pas de se déshabiller toute nue au milieu de la place, ouais. mais en même temps, ça n'aurait aucun intérêt, ça n'aurait aucun charme. Il s'agit au contraire de l'aiguillonner, de le sentir. Et cette place, elle est complice de ça. Ouais. Parce que forcément, elle vit, ouais, après, elle se calme, elle revit. Tu mets des vêtements crades, hein, pour un festival. Ouais. Juste, tu vois. Enfin, c'est vraiment l'âme. Ça passe, ça vit. Et là, c'est le moment magique à ce moment-là. C'est le moment où tout se calme. Ouais. Et le moment où tu peux reprendre le dessus, parce que à fur et à mesure que les choses se calment, toi, tu captes encore plus l'intérêt de l'autre. Et comme il y a de moins en moins de monde, eh bien, tu peux oser un peu plus, te rapprocher un peu plus, le décider un peu plus, avec, tu vois, le brimon au coin de l'œil, ce moment de complicité, ce moment où tu sens qu'il est là que pour toi, il a son attention que sur toi, et qu'elle est tellement sur toi que tu peux carrément l'emmener, l'emmener là où tu veux. Et arriver à ce qu'il se débonde, jusqu'à ce qu'il t'enlace, en plein milieu d'une place, là, même si c'est la nuit, au milieu d'une rue, pour lui, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ouais. C'était quelque chose d'inenvisageable, n'est-ce pas? et moi, d'arriver à ce qu'il arrive à ce niveau-là, tu vois, qui s'explose de lui-même et vers moi, donc vers... Ça, c'était carrément génial. Et ça, c'est un, du coup, c'est un souvenir que je chéris vraiment beaucoup parce que cette passion que j'avais pour lui, elle était, j'étais arrivée à la voir. Ouais. J'étais arrivée à lui faire sortir. Et donc, du coup, en même temps qu'il m'enlaçait, tu vois, c'était vraiment toute cette attirance, toute cette énergie. Tout cet amour, toute cette passion, carrément, qui m'entourait comme la place nous entourait, avec, tu vois, ce noir qui nous entourait et ces petites étoiles autour, ben, c'était exactement comme ses bras, c'était exactement comme ses yeux, c'était exactement comme sa bouche, c'était, voilà, Paris devenait complice et cette place devenait complice avec nous pour que, dans cet interlude, entre la nuit et le matin, eh bien, il y a un interlude entre son compte à soi et ma folie, qui est un interlude entre sa contenance et mon côté artiste, qui est un interlude entre la passion que j'avais, et que j'avais aucun complexe à sortir à cette époque-là, et lui, la façon plus retenue qu'il avait de se tenir et de jamais laisser exprimer ses sentiments. C'est pour ça que cette place reste toujours, pour moi, quelque chose de très particulier. Un endroit si à la jonction, un endroit à la jonction entre l'endroit où on fait la culture, les normes, les lois, avec ce bâtiment si rigide, si classique qu'il était, et ces petites rues. Mise en travers, avec des petits cafés, avec des gens qui sortent, avec des magasins de tout horizon, avec ce côté un peu folie, qui était un peu plus moi, en fait. Et donc voilà, c'est cette jonction-là, et c'est cet endroit-là qui fait que ce baiser-là était vraiment, vraiment quelque chose d'inoubliable. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Paris sur la bouche. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux ou alors lui donner la note de 5 étoiles sur Apple Podcasts pour lui donner plus de visibilité. Vous pouvez aussi me contacter sur Facebook, Instagram ou Twitter via les liens disponibles dans la description de cet épisode. Ou enfin, soutenir tous les podcasts produits par Podcast Stories comme J'aime pas ma voix ou C'est une pot-pot via le lien Tipeee disponible lui aussi dans la description. En attendant, je vous souhaite d'embrasser qui vous voudrez et où vous voudrez, mais avec consentement. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire.